seul juge d'entrer les accusés. Les faits sont là et on ne peut plus les excuser. J'accuse ces gens d'exercer la trahison. Et la sanction sera pire que la prison. J'ai sous la main quelques maîtres experts. Vous vous souvenez de moi, c'est moi votre ex-frère. Tensionnaire de vos neurones précaires. Pour comprendre ces mots, il faudra un dictionnaire. Est-ce que tu flaires l'atmosphère amère qui erre dans l'air, vipère, austère? J'oublierai pas le jour où t'as laissé mourir notre père. Que si elle me fout droit, à présent si j'exagère. Quand on manipule les gens, rien n'arrive façon fortuite. Arrêtons les bêtises, on parle de méchanceté gratuite. Tu t'es permis de juger ma vie. Être jaloux de la femme de son frère relève de la psychiatrie. Même si on a le même sang, tu m'obliges à faire le tri. Je te laisse en thérapie, tant pis. Vous pensiez quoi que vous passiez avant ma femme? Alors que j'ai la nausée devant vos âmes infâmes. Je me vois chialer avec un bout de tissu. Mes bandes de judas, vous m'avez tous déçu. Manipulatrice, calculatrice, complice du vice qui laisse des cicatrices. J'ai peu de pitié car les minables mes cœurs. Mes bandes de vous m'avez poignardé dans le cœur. Ça te crache dans le dos et ça se dit est ta sœur. Ce soir la sentence tombe et je vois les gouttes de sueur. Ce soir la sentence tombe et je vois les gouttes de sueur. Je vois les gouttes de sueur. Vengeance pour les victimes de toutes les trahisons. Les yeux injectés de sang car tous les trahisons. Meurtris par les cafards que nous méprisons. Recueillez pour un traître et pour toi ce son. Vengeance pour les victimes de toutes les trahisons. Les yeux injectés de sang car tous les trahisons. Meurtris par les cafards que nous méprisons. Recueillez pour un traître et pour toi ce son. J'appelle monsieur Spoka à la barre, à présent monsieur le juge va rendre son verdict. Deuxième dossier, Lucas Spoka. Bouge pas, je m'occupe de toi mon gars. Alors petit présomptueux, l'honneur est toi, on peut dire que ça fait deux. Tu mouilles ta culotte, hein, tu merdeux. Je te sens nerveux, le temps devient orageux. Pour ta face, quoi que tu fasses, tu paieras tes coups de trace. Aujourd'hui t'es fini, hors compétition. On va tailler une immonde réputation. Pour ta trahison, en faire contradiction. Petite salope qui se croit au temps et se dit hip-hop. Voler le bien des tiens et les liens. Puis après quoi, plus rien. Mais là t'as pris des risques, boycott ton disque. Prêt à baiser ses propres frères et sœurs. Type sans valeur, sans saveur. Comme un parfum sans odeur. Mais t'inquiète, elle arrive ton heure. Les traîtres ont plusieurs formes, plusieurs couleurs. À tous ceux qui ont été trahis par les leurs. Méprisez-les avant qu'ils soient à l'heure. Pour l'heure, j'en appelle à la vengeance. Brûlant le faux, en qui t'a fait confiance. Plus l'être est proche, plus l'approche en devient moche. Cette nuit j'attends patiemment que la mort vous coche. Vengeance pour les victimes de toutes les trahisons. Les yeux injectés de sang car tous les trahisons. Meurtris par les cafards que nous méprisons. Recueillez pour un traître et pour toi ce son. Vengeance pour les victimes de toutes les trahisons. Les yeux injectés de sang car tous les trahisons. Meurtris par les cafards que nous méprisons. Recueillez pour un traître et pour toi ce son. Vengeance pour les victimes de toutes les trahisons. Les yeux injectés de sang car tous les trahisons. Meurtris par les cafards que nous méprisons. Recueillez pour un traître, il est pour toi ce son.